La crise de 2008, ça n'a rien de surprenant pour les marxistes et ça n'a également rien de surprenant de voir que les bourgeois, ils n'arrivent pas vraiment à sortir de cette crise. Oui, depuis 2008, avec justement cette crise des sciences économiques, nous avons également vu beaucoup de bourgeois, des commentateurs bourgeois qui ont commencé à parler de Marx et ils disent justement que peut-être il faut quand même retourner à Marx et c'était pas tellement faux ce qu'il disait pour expliquer les crises, mais c'est clair qu'eux ils peuvent pas accepter la totalité de la théorie marxiste. Pas la totalité de la théorie marxiste de la crise non plus, parce que cette théorie dans sa totalité, ça a des conséquences révolutionnaires. C'est dans cette théorie, dans cette analyse du capitalisme, qui de ça découle des conséquences fondamentalement révolutionnaires. Oui, justement, contrairement à la pensée économique bourgeoise, l'analyse marxiste de l'économie explique que les crises sont une partie intégrale et nécessaire du capitalisme et qu'ils naissent des contradictions de ce mode de production. Et ce n'est pas une analyse statique, sinon que ça, il s'agit de saisir un peu le développement de ce système économique dans son mouvement. Et là, cette analyse, elle montre également comment ces contradictions du capitalisme, elles grandissent. Et en d'autres termes, comment le capitalisme a tendance à miner ses propres fondements. Ou encore, pour le dire en d'autres termes, comment le capitalisme crée des problèmes qu'il n'arrive que à résoudre en créant encore plus de problèmes et des problèmes plus fondamentaux. Oui, maintenant, même si les explications marxistes économiques ont gagné pas mal d'attraction à partir de 2008, justement parce qu'on arrive mieux à expliquer ce qui est en train de se passer, il y a quand même encore beaucoup d'illusions dans la gauche et dans le mouvement ouvrier, où les idées économiques qui dominent encore aujourd'hui, ce sont des idées keynésiennes. Et les idées keynésiennes, ou également dans sa version un peu plus moderne et plus radicale, des idées post-keynésiennes, c'est pas... Il présente ça comme une alternative de gauche au néolibéralisme, mais en fait, ça n'est aucune alternative. Keynes, qui était, comme le dit le nom, l'économiste qui est à l'origine de ces écoles de pensée, lui, il n'a pas fait une critique de ce système capitaliste, sinon que ce que lui, il visait à faire, c'était de stabiliser le système. Il voyait que, contrairement aux classiques, ou aujourd'hui les néoclassiques, qu'il y a des crises dans le capitalisme, mais ce que lui, il proposait, c'était qu'avec certaines mesures, on peut de nouveau redémarrer l'économie, et comme ça, on arrive un peu à atténuer les crises économiques. Mais toute cette théorie que la gauche actuelle, la gauche réformiste, suit actuellement, ça conduit directement à la soumission du mouvement ouvrier au capital. Et c'est donc très important pour nous d'avoir une analyse qui se base sur la position de classe, sur le mouvement ouvrier. Et ça, c'est évidemment la théorie marxiste. Oui, dans la première partie, j'aimerais justement parler un peu de la théorie de la crise et après, soit dans le débat, soit si j'ai encore le temps de regarder d'où vient la crise actuelle. Mais en tout cas, on a déjà bien vu dans les discussions avant quelle est la situation actuelle. Maintenant, si nous voulons comprendre les crises, il faut d'abord se poser la la question pourquoi la dynamique du capitalisme conduit nécessairement à des crises du capitalisme. C'est un peu ça la question que la théorie marxiste essaie de répondre concernant les crises. Et pour découvrir les sources, la nécessité des crises dans le capitalisme, nous devons commencer d'une manière très basique, très fondamentale, en se demandant de quoi s'agit-il dans l'économie en général. Qu'est-ce que c'est l'économie ? Et fondamentalement, il s'agit de la satisfaction des besoins. Souvent, aujourd'hui, on entend que l'économie fait ça ou ça, ou que ça ne profite qu'à l'économie. Mais finalement, une économie, c'est juste la manière comment les gens s'organisent pour satisfaire leurs besoins. Oui, indépendamment du moment historique ou de l'époque historique ou du mode de production spécifique, dans l'économie ou dans la société, on produit des biens pour satisfaire nos besoins et pour survivre. Ce sont donc des biens qui ont une utilité pour nous, ou comme on pourrait également dire, qui ont une valeur d'usage. Mais pour le marxisme, il ne s'agit pas de regarder les choses d'une manière abstraite, seulement en général, sinon que le marxisme explique que les modes de production sont historiques. Il s'agit donc de regarder comment les différents modes de production fonctionnent, et ça veut justement dire comment les gens dans l'histoire ils s'organisent pour satisfaire leurs besoins. Et là, on voit comment à travers l'histoire, selon le niveau de développement de la société, selon le niveau de développement des forces productives, il y a eu des modes de production très différents, des manières très différentes de s'organiser économiquement. Maintenant, le mode de production capitaliste, c'est fondamentalement une économie des marchandises. Elle est composée tout d'abord par la production des marchandises et par la circulation des marchandises. Et une marchandise, c'est finalement rien d'autre que juste un bien qui est produit pour le marché. Et Marx a montré que la marchandise, elle a un double caractère. Elle a d'un côté une valeur d'usage, c'est ce que j'ai déjà dit avant, mais elle a également une valeur d'échange. Maintenant, la valeur d'usage, c'est justement la valeur que nous, on attribue à un bien. C'est, d'une certaine manière, c'est l'utilité subjective pour nous. C'est important de savoir que dans le capitalisme aussi, toutes les marchandises, elles doivent avoir une valeur d'usage. Si ce sont des marchandises qui n'ont pas de valeur d'usage, ça veut tout simplement dire que personne ne va les acheter parce qu'ils n'ont pas d'utilité pour les gens. Mais ces valeurs d'usage d'une marchandise ne nous expliquent pas comment dans quel rapport s'échangent les biens sur le marché. Si je dis par exemple que une voiture a ce n'est pas parce que je dis qu'une voiture a une plus grande utilité pour moi qu'un vélo, que sur le marché la voiture est plus chère que le vélo. C'est pas ça, cette utilité ou la valeur subjective qui détermine le rapport, comment on échange les biens. Et ça, c'est la valeur d'échange qui décrit ce rapport et qui rend quantitativement comparable des marchandises ou des marchandises qui sont qualitativement différentes. C'est pas la même chose qualitativement une voiture qu'un vélo. Ce sont deux trucs bien différents, même si ce sont des moyens de transport. C'est pas la même chose. Donc il faut établir un rapport entre les deux. Pour faciliter un peu, même si c'est pas tout à fait correct comme ça, mais ça simplifie les choses, on peut dire que la valeur d'échange, c'est finalement le prix. Si elle s'exprime à travers l'argent, c'est le prix. Et Marx, il dit que la valeur d'échange, ce n'est que la forme que la valeur prend sur le marché. Donc il faut, savoir, il faut regarder quelle est la valeur. Quelle est la valeur d'une marchandise et comment on crée une valeur. Et la valeur, justement, c'est ça qui rentre, qui met dans un rapport de différentes marchandises, qui établit justement ce lien quantitatif entre les deux. Et pour savoir comment ces marchandises, dans quel rapport elles s'échangent sur le marché, il faut regarder qu'est-ce que ces marchandises ont en commun. Et il y a une chose que toutes les marchandises ont en commun, et c'est qu'ils sont le résultat du travail humain. Donc finalement, ce qui est déterminant pour la valeur, pour la création de la valeur, c'est le travail humain. Maintenant, il se pose toujours la question, comment on peut quantifier le travail humain? Et ça, c'est le temps de travail qui est déterminant. C'est donc le temps de travail où la valeur se mesure à travers le temps de travail qui est nécessaire pour produire un bien. Maintenant, Marx a bien fait attention et nous a expliqué que ce n'est pas juste le travail individuel dont le travailleur a besoin pour produire une marchandise, sinon que c'est le travail socialement nécessaire en moyen, dans des conditions données qui déterminent la valeur d'une marchandise. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que sinon, si ce serait juste le travail individuel, ça voudrait dire que si moi je suis un producteur d'un vélo particulièrement lent et qui nécessite beaucoup de temps pour produire ce vélo, et que tous les autres travailleurs ou producteurs de vélo travaillent de manière plus rapide, et que après moi je vends ce vélo sur le marché, c'est pas comme ça que mon vélo, juste parce que moi j'étais plus lent et ça m'a pris plus de temps, que mon vélo que moi j'ai produit a plus de valeur que les autres. C'est donc bien le travail socialement nécessaire qui détermine la valeur. C'est plus ou moins clair ou ça? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une économie qui se base sur l'échange des marchandises? On a d'abord des possesseurs des marchandises qui échangent leurs marchandises parce qu'ils veulent une autre marchandise. Et là, on a justement, il faut bricoler un petit peu. Alors, M, c'est la marchandise. A, c'est l'argent. Et après, il faut s'imaginer M ici. on s'imagine pas, on le voit très bien que là, il y a une marchandise. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre... Ça, pour Marx, il appelle ça... Je ne sais même pas comment on l'appelle en français. La circulation simple. Oui. Finalement, une circulation simple de marchandises. Donc, on a d'abord un possesseur d'une marchandise qui va sur le marché pour vendre la marchandise. Et s'il vend la marchandise, il reçoit de l'argent. Il a transformé d'une certaine manière, il a transformé sa marchandise en argent, ça a la même valeur. Maintenant, il a l'argent. Et avec l'argent, il va de nouveau aller sur le marché pour acheter une autre marchandise qui a la même valeur. Donc à la fin, il avait une marchandise et il va avoir une autre marchandise qui pour lui a une utilité différente. Il va pas acheter la même marchandise qu'il avait au début. Donc finalement, il a une marchandise avec une valeur d'usage différente. Oui, et dans ce modèle-là, l'argent ici, ça joue un rôle juste secondaire, pas un rôle indépendant, c'est juste le moyen qui facilite cet échange, que ça devient un peu plus facile que juste de faire le troc et d'échanger les biens, des biens contre des biens. Et c'est sur la base de ce schéma assez simple que des économistes ou un nombre des économistes classiques, notamment Jean-Baptiste C, ont nié la possibilité de la crise. Selon eux, il n'y a pas de raison pourquoi cette circulation, ce processus de circulation, on bonde et on achète des marchandises, pourquoi cette circulation devrait être interrompue. Il n'y a pas de raison pour ça. Et pourquoi il n'y a pas la possibilité de la crise? Eh bien, c'est parce que si je veux acheter quelque chose, il me faut de l'argent. Si je veux acheter une marchandise, il me faut de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il faut d'abord produire quelque chose. Il faut d'abord avoir une marchandise pour ensuite pouvoir la vendre et pour de nouveau pouvoir acheter une marchandise. Donc, d'une certaine manière, le pouvoir d'achat, il naît dans la production même. C'est dans le même processus qu'il y a le pouvoir d'achat. Et c'est un peu cette phrase de Keynes qui critiquait cette théorie. Lui, il disait que ça peut se résumer de la manière suivante, que l'offre se crée sa propre demande. Parce que justement, le pouvoir d'achat naît dans la production. Et en principe, c'est cette argumentation que également les néoclassiques, qui sont un peu l'école de pensée dominante aujourd'hui, que eux, ils sont repris. Et c'est sur cette base qu'ils disent que oui, les marchés, ils tendent vers l'équilibre. Il n'y a pas de possibilité de crise. Oui, Marx il critiquait cette idée déjà à l'époque. Évidemment, il ne critiquait pas les économistes d'aujourd'hui, mais leur pendant à l'époque. Et il montrait que juste parce que on a produit, il ne faut pas vendre ou acheter. Dans l'analyse de Marx, l'argent n'est pas un simple moyen d'échange, sinon que ça joue un rôle indépendant. L'argent est également une marchandise, comme des autres marchandises, avec un peu la propriété particulière qu'on peut l'échanger contre toutes les autres choses. Et également, l'argent peut devenir capital. Et c'est également l'argent, c'est également la manière ou le moyen comment on peut séparer la vente de l'achat. Parce que si le possesseur de la marchandise, il vend sa marchandise et il a de l'argent, il n'y a pas de raison pourquoi il devrait dans le même moment, au même endroit, également acheter une nouvelle marchandise. Donc, ici, il y a une séparation dans la circulation. Et il y a la possibilité déjà, avec la simple existence de l'argent, il y a la possibilité d'une crise. Il y a la possibilité que les marchandises qui ont été produites ne peuvent plus être vendues et que la circulation des marchandises est interrompue. Et dans cette situation, si la circulation est interrompue, si les possesseurs des marchandises ne trouvent plus de personnes qui vont acheter leurs marchandises, on a par définition une crise de surproduction parce qu'on a produit plus de marchandises qui ne peuvent pas être vendues. Mais maintenant, la possibilité de la crise qui existe avec la simple existence de l'argent, ce n'est pas encore la nécessité. Ça n'explique rien pourquoi il y a dans le capitalisme une nécessité de la crise. Ce qui est important, c'est que finalement, ce modèle de la circulation simple des marchandises, ça ne correspond pas à la réalité du capitalisme. Parce que dans le capitalisme, il s'agit fondamentalement d'une circulation du capital, pas d'une circulation de la marchandise simple. Et là, il faut modifier un peu notre formule. Et on va regarder ce que ça change. Et c'est dans ce modèle quand l'argent n'est plus le simple moyen d'échange, mais devient capital, l'argent est le point de départ et le point final de ce processus de la circulation. Maintenant, on peut se poser la question, quel est le sens de ça? Si au début, on a de l'argent et à la fin, on a de l'argent, ça fait aucun sens. Parce qu'avant, au moins, on avait une autre marchandise avec une valeur d'usage différente. Mais vous voyez bien que l'argent, c'est pas qualitativement différent. Et la seule manière que l'argent peut se distinguer de l'argent, c'est par sa quantité. La seule manière, comment ça peut faire du sens, c'est si finalement ici, on a plus d'argent que ce qu'on avait au début. C'est ce que Marx a visualisé avec ce petit prime. Merci. Et du coup, le processus ou la circulation du capital, c'est AM ou argent, marchandise plus d'argent. Il faut se poser la question, comment c'est possible? Parce qu'avant, on avait juste la marchandise, la valeur de la marchandise a été transformée en argent et après transformée dans une autre marchandise. Mais ici, comment c'est possible? Parce que finalement, ici, on n'a plus la même valeur qu'avant. Maintenant, on a plus d'argent qu'au début. Du coup, dans ce processus, il y a une création de la valeur. Comment c'est possible? Et j'espère que je l'ai dit avant, je ne suis pas sûr, mais la seule chose qui produit de la valeur, c'est le travail humain. Dans ce processus, il y a le travail humain qui crée de la valeur. Et finalement, c'est le capitaliste, dans ce processus, il a au début, il a de l'argent, et avec cet argent, il va aller sur le marché et s'acheter des autres marchandises. Qu'est-ce qu'il va acheter? Il va déjà des matières primaires et des moyens de production, de la technologie, mais de manière très importante également la force de travail. Parce que dans le capitalisme, c'est ça qui distingue le capitalisme d'autres modes de production, la force de travail. C'est une marchandise. Les prolétaires, ils doivent vendre leur force de travail sur un marché parce qu'ils ne possèdent pas de moyens de production. Ils le vendent pour un salaire. Du coup, le capitaliste s'achète ses moyens de production et le travail humain. Et le travailleur, avec ses matières primaires et les moyens de production, il crée une nouvelle marchandise qui va de nouveau être vendue sur le marché. Et qui va être vendu d'une manière avec plus plus cher que pour plus d'argent que ce qu'on avait au début. Ce qui est déterminant dans tout ce processus, c'est cette fameuse plus-value. Qui est apparemment créé dans ce processus. Donc, ici, on voit que le capitaliste, il s'achète une marchandise qui est la force de travail, qui a une certaine valeur. Et également, cette force de travail, elle peut créer de la nouvelle valeur. C'est ça ce qui se passe dans tout ce processus, qu'on produit une nouvelle marchandise. Et cette nouvelle marchandise, elle doit nécessairement avoir plus de valeur que la valeur de la force de travail et la valeur des moyens de production. Sinon, pour le capitaliste, ça ne fait aucun sens. Il n'achèterait pas du travail humain ou de la force de travail et des moyens de production si à la fin, il n'a pas plus de valeur. Du coup, la différence entre les salaires ici, ou la valeur de la force de travail, et finalement la valeur du produit final, de la marchandise finale, c'est ça la plus-value. Cette différence, c'est ça la plus-value. Et pour rendre un peu plus simple, simplifier les choses, on peut dire que même si c'est pas entièrement juste ou c'est pas du tout juste, en fait le profit c'est une partie de la plus-value. Mais maintenant pour rendre les choses plus faciles, on va juste dire que la plus-value c'est la même chose que le profit. Du coup, le capitaliste il produit pour le profit ou pour la plus-value. Selon Marx, ce processus de faire avec de l'argent, faire plus d'argent, c'est ça ce qu'il appelle le capital. Donc le capital, ce n'est pas juste une partie, ce n'est pas juste de l'argent, sinon de l'argent qui est dans la circulation pour faire plus d'argent à la fin. Et comment on fait plus d'argent? C'est justement par l'exploitation du prolétaire, du travail, de la force humaine, du travail. Maintenant, il faut faire bien attention parce que il faut réaliser cette plus-value sur le marché. Réaliser cette plus-value qui a été créée dans ce processus, ça veut juste dire que la marchandise qui a été produite doit être vendue sur le marché. Si la marchandise, finalement, elle n'est pas vendue sur le marché, toute cette histoire avec l'achat de la force de travail et avec l'exploitation, de l'extraction, pardon, de la plus-value n'a été pour rien. Ça n'a pas de sens pour le capitaliste si finalement il n'arrive pas à réaliser la plus-value. Et une fois que le capitaliste il a réalisé la plus-value sur le marché, il va de nouveau réinvestir cet argent dans la production pour ensuite de nouveau faire plus d'argent. C'est ça le processus. Et c'est également ça que ce que nous pouvons appeler l'accumulation du capital. Le capitaliste, il est alors intéressé par le profit le plus haut possible pour ensuite réinvestir et avoir une expansion de son capital. Et ce qui compte dans ce processus, c'est justement de produire des valeurs d'échange, non pas de produire pour la satisfaction des besoins, sinon justement pour accumuler du capital, pour faire du profit. Et Marx, il a résumé assez bien comment on peut résumer justement ce que signifie le capitalisme, c'est accumuler pour accumuler, produire pour produire. Le but de la production capitaliste, de l'échange des marchandises, n'est alors pas la satisfaction des besoins, mais l'accumulation du capital. Mais qu'est-ce qui se passe si le capitaliste, il veut pas jouer ce jeu, s'il ne veut pas accumuler le capital, s'il décide que ce qu'il importe pour lui, ce n'est pas de faire du profit, ou s'il veut juste payer des salaires plus hauts à ses travailleurs. Le résultat de ça serait qu'il sera ruiné par la concurrence, parce que finalement, il n'est pas le seul capitaliste qui est dans ce jeu. Et s'il n'investit pas le capital qu'il a déjà, il va être ruiné. Oui, et cette histoire avec la concurrence, c'est d'une certaine manière, c'est une contrainte extérieure qui pousse les capitalistes à toujours plus accumuler. Et d'augmenter également les productivités, parce que ce qui est déterminant finalement, c'est justement pour la valeur, c'est que c'est le temps de travail qui est nécessaire. Et pour pouvoir faire face à la concurrence, il faut toujours augmenter la productivité. Il faut donc investir dans des moyens pour économiser le temps de travail. Et il faut investir également dans des nouvelles machines, de la nouvelle technologie pour produire de manière avec moins de temps qui est nécessaire. Mais les capitalistes, en général, ils ne veulent pas juste être à la hauteur un peu du rythme des autres capitalistes, sinon qu'ils aimeraient bien avoir une avance sur les autres capitalistes, parce que ça lui permet de réaliser ce que Marx appelle un profit extra. Qu'est-ce que c'est un profit extra? C'est juste que le capitaliste, il augmente sa productivité, et s'il augmente la productivité, les travailleurs de cette entreprise capitaliste, ils peuvent produire dans moins de temps, ils ont besoin de moins de temps pour produire la même marchandise que ses concurrents. Et dans ces circonstances, ils peuvent vendre ces produits à un prix qui est moins cher que ses concurrents, parce qu'ils ont augmenté la productivité, mais ils peuvent toujours vendre à un niveau qui est supérieur à leur prix de production. Donc, dans ce processus, ils ont la possibilité de réaliser des profits extra. Et finalement, c'est cette recherche des profits extra qui pousse les capitalistes à toujours plus investir dans des nouvelles technologies et dans les forces de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, et de développer encore plus les forces productives. Et on peut dire que tout ça, c'est un peu le côté progressif du capitalisme, parce que le capitalisme, pour cette raison, il est révolutionnaire, il se révolutionne lui-même en permanence. Il doit toujours révolutionner les moyens de production, les méthodes de production, et développer plus les forces productives. Mais en même temps, c'est exactement ça la raison pour la grande force de destruction du capitalisme, et l'assujettissement de salariés et également de la nature au capital. Oui, pour revenir à notre formule, A-M-A-prime, merci. D'où viennent alors les crises? Les crises, ça veut juste dire que cette circulation du capital, elle est interrompue. Et la nécessité de la crise, finalement, elle est le résultat de la contradiction dialectique entre la production capitaliste et la circulation du capital, ou également, on peut le dire, l'échange, la sphère de l'échange, ou la consommation. La consommation, c'est une partie de tout ce processus. Et contradiction dialectique, ici, ça veut juste dire que les deux choses sont dépendantes l'un de l'autre. La production, elle est dépendante de la consommation ou de la circulation, mais également, évidemment, à l'inverse, mais que les deux côtés suivent leur propre logique d'une manière, oui, un peu selon leur propre loi. C'est exactement ça ce que les économistes bourgeois, ils n'arrivent pas à voir s'ils partent implicitement ou même explicitement du principe qu'on produit dans le capitalisme pour la satisfaction des besoins. Parce que finalement, comme on voit, c'est pas la satisfaction des besoins qui est la force motrice, sinon l'accumulation du capital. Et donc, justement, cette force de la production qui est illimitée d'une certaine manière. Et Marx, lui, il dit que la production, elle n'a pas de limite. Ou plutôt, elle a pour limite que la force productive de la société. Mais ça, finalement, ça revient au simple constat qu'on ne peut pas plus produire de ce qui est possible avec les moyens de production qu'on a à disposition. Donc la production, elle ne regarde pas ce qui se passe. On produit pour produire. Mais tout ça, ça a une contrepartie, parce que pour maintenir l'accumulation du capital, justement, la plus-value, elle doit être réalisée sur le marché. Cette réalisation et la circulation, elles suivent une logique différente. Elles ont des limites. Et si les capitalistes ils arrivent à réaliser la plus-value sur le marché, ça dépend fondamentalement de deux facteurs. Ça dépend déjà de la proportionnalité de différentes branches de production. Et dans le capitalisme, c'est l'anarchie du marché qui règne. Ça veut dire que les capitalistes, on a entendu avant qu'il y a quand même une planification dans les multinationales, mais finalement, dans le capitalisme, il y a pas de planification, ce n'est pas une économie planifiée. Les différents capitalistes, ils font ce que eux, ils veulent, ils ne se coordonnent pas trop avec les autres. Ça veut dire que les différentes branches, elles se développent selon leurs propres nécessités et pas nécessairement au même rythme. Mais si on prend l'exemple de l'industrie de l'acier, si un producteur d'acier, il réalise qu'il a trop développé ses forces de production, qu'il n'arrive plus à vendre ses produits, il va acheter moins de forces de travail, mais également moins de charbon et moins d'autres choses qu'il a besoin. Et ça veut dire que sa demande, elle tombe. Et les autres industries, comme l'industrie de charbon, là, dans ces circonstances, ils devraient trouver une autre manière pour vendre leur charbon. Et il n'y a aucune garantie pour qu'ils trouvent ces marchés. Ça veut dire que avec ces différents rythmes de différentes branches, ça peut entraîner une disproportionnalité qui interrompt la circulation du capital, parce que les différentes, c'est comme un effet de chaîne. Mais tout ça montre uniquement qu'il y a une grande probabilité dans le capitalisme qu'il y a des crises, mais ça ne montre toujours pas la nécessité des crises. Et la nécessité des crises, ça vient plutôt de la force de consommation de la société. C'est ce que Fred il a déjà expliqué dans sa présentation avant, que finalement, on peut que uniquement consommer ce qu'on peut acheter avec l'argent qu'on a à disposition, mais les salaires qui sont là pour acheter ces produits qu'on a produits, ils naissent dans des relations de classe, ils naissent dans une production qui est basée sur l'exploitation de la force du travail, ils naissent dans des relations de classe antagonistiques. Et cette relation, elle comporte nécessairement le fait que le pouvoir d'achat est limité. Marx, il écrit que la raison ultime de toute véritable crise demeure toujours la pauvreté et la limitation de la consommation de masse en face de la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que la capacité de consommation absolue de la société. L'argument derrière ça, il est assez simple finalement, si on a vu la théorie de la plus-value avant. Ça veut juste dire que les travailleurs, ils n'arrivent pas à acheter la totalité des marchandises qu'ils sont eux-mêmes produits, parce que les salaires sont nécessairement plus bas que la valeur des marchandises qu'ils ont créées. Parce que si ce n'était pas comme cela, il n'y avait pas de plus-value et pas de production capitaliste. Ils se posent donc pas vraiment la question pourquoi il y a une surproduction, parce que vous voyez déjà qu'il y a une tendance à la surproduction, parce qu'on produit pour produire, mais après les marchés sont limités et la consommation est limitée, et la question se pose pourquoi c'est pas une surproduction permanente. Et une explication à ça, c'est que l'explication de Marx, c'est que les capitalistes, ils arrivent à créer eux-mêmes leur propre marché. Ils peuvent notamment investir dans la production des moyens de production, qui ne sont donc pas les salariés qui achètent les moyens de production, sinon que ce sont des autres capitalistes. Ils se créent leurs propres industries pour développer les les forces productives. Mais le problème de ça, c'est pas une solution à cette tendance à la surproduction, parce que finalement, si on investit juste plus dans les moyens de production, on crée des capacités encore plus grandes pour produire. Donc on a de nouveau le même problème, mais sur une échelle supérieure même. Oui, pour résumer tout cet argument, on peut juste dire que la production est illimitée, mais les marchés sont limités. Et dans cette contradiction, de ça naît la crise. Oui, pardon. la crise, elle éclate quand les marchés sont saturés et ne peuvent pas juste facilement s'étendre. Quand les marchés ne peuvent plus être vendus, la plus-value elle peut plus être réalisée et la circulation est interrompue et par conséquent l'accumulation de capital se ralentit. Et ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut signifier qu'il y a trop de marchandises sur le marché, il n'arrive pas de personnes qui vont les acheter, ou ça peut dire signifier qu'il y a trop de capacités de production. Ça veut dire que il y a les capitalistes avec les moyens à disposition, ils pourraient produire plus que ce qu'ils vont produire s'ils veulent réaliser ou s'ils veulent vendre ces marchandises sur le marché pour un profit qui leur correspond. Ou ça peut également signifier que les capitalistes, ils n'investissent juste plus dans la production parce que de toute façon, ils voient qu'on peut déjà trop produire et il n'y a pas de manière d'investir profitable. Et dans ces circonstances, on est confronté à une situation complètement absurde, comme Marx et Engels ils l'écrivaient déjà dans le manifeste, qu'on a d'un côté, on a juste trop de marchandises et trop de moyens de production, en bref, trop de richesses, on a créé trop de richesses, et de l'autre côté, on a juste le manque. On a des salariés qui n'arrivent pas à acheter ces produits, qui sont au chômage. Et, oui. Quels sont les moyens que la bourgeoisie a à disposition pour résoudre les crises? Finalement, on peut dire que il n'y a pas vraiment de moyen de résoudre les crises. Ce qu'il peut faire, c'est juste contourner les crises ou d'une certaine manière de atténuer les crises. Mais j'aimerais mentionner 5 différents moyens pour contourner ces crises ou pour avoir une solution temporaire aux crises, même si la dynamique où la tendance aux crises est justement inhérente au capitalisme et on n'arrive pas à les dépasser. La première, c'est juste la version ou la solution, on pourrait dire la plus naturelle, la plus organique de ce système, c'est la destruction du capital. Les produits sont dans la crise, sont vendus au dessous pour un prix plus bas de leur valeur ou sont pas même pas vendus du tout. Ça revient à la même chose que juste de les détruire. Ou également le chômage, c'est une manière de détruire le capital. Et comme ça, on assiste à une restructuration du capital. Les entreprises, elles font faillite. Les grandes entreprises, elles fusionnent. Il y a une concentration du capital, une monopolisation finalement. Et comme ça, il peut se faire qu'on arrive de nouveau à redémarrer l'accumulation de capital sur un niveau supérieur, justement parce que la concentration du capital est déjà plus avancée maintenant qu'avant. Après, il y a également juste la possibilité de mieux exploiter les marchés qui existent déjà. et notamment à travers le moyen comme de marketing plus agressif ou l'exacerbation de la concurrence. Et après, il y a trois formes qui sont devenues extrêmement importantes ces 30-40 dernières années. C'est premièrement l'impérialisme, deuxièmement le système de crédit et troisièmement les dettes, ce sont les dettes publiques. Et peut-être je peux juste le résumer un peu comme ça après je dois moins parler de ou plus parler de la crise actuelle et je peux finir. C'est que l'impérialisme, finalement, c'est une tendance qui est également inhérente à ce système. Parce que, comme nous avons déjà vu, l'accumulation du capital, c'est un processus fortement expansif. Le capital, il doit toujours s'étendre plus, il doit accumuler et devenir... Oui, justement, c'est une expansion. Mais si les marchés sont limités, par exemple, si le marché national, s'il y a trop de capital pour le marché national, le capital, il doit aller ailleurs pour trouver des débouchés. Trouver des marchés. Et c'est ça le fondement de l'impérialisme. Et là aussi, Marx et Engels, ils voyaient ça déjà dans le manifeste. Ils écrivaient que poussé par le besoin des débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout ses relations. Et c'est exactement ce que nous avons vu depuis la crise des années 70, que l'impérialisme il est juste devenu beaucoup plus agressif, le capital est allé un peu partout. On a déréguler les marchés du capital, ce qui a permis au capital de s'implanter un peu partout, d'avoir accès au travail bon marché partout dans le monde finalement, justement pour essayer de résoudre la crise de la profitabilité des années 70. Et là, on a bien vu comment les entreprises, les multinationales, ils ont commencé à délocaliser leur production, et à commencer à produire en Chine, justement, parce que la force de travail est abondante et les salaires sont plus bas. Il y a toutes sortes de ces mécanismes d'impérialisme qui sont devenus très importants. Après, un autre moyen, c'est ce que Fred a déjà expliqué, c'est le crédit. On donne juste de l'argent aux consommateurs pour créer artificiellement une demande. Et j'aurais préparé dans ma présentation une graphique pour visualiser ce que Fred a dit avec la stagnation des salaires depuis les années 70, parce que c'est juste énorme. La productivité, elle a continué de grimper, mais à partir des années 70, on a vraiment les salaires réels un peu partout, mais particulièrement dans les États-Unis qui ont même diminué. Et là, le problème, c'est juste s'ils ont baissé les salaires pour faire face à la crise, c'est qui va consommer tous ces produits qui vont être produits. Donc il faut trouver une solution à ça, parce que qu'ils ont fait, c'est juste donner des crédits à peu près à tout le monde, même si les gens ils n'avaient pas de n'était pas vraiment solvable. Et c'est également lié à un autre développement depuis les années 70, c'est que un peu l'augmentation ou la croissance de l'importance du secteur financier par rapport à l'économie réelle, que les capitalistes, ils ont juste dérégulé les marchés, ils ont juste placé leur argent sur les marchés financiers. Et c'est en relation avec les crédits, parce que... Oui, si on donne des crédits, si on donne de l'argent à des personnes qui n'ont pas vraiment de l'argent, qui ne sont pas solvables, ça c'est un risque énorme. Le risque est qu'ils ne vont juste pas payer, rembourser leurs dettes, ils ne vont pas pouvoir rembourser les taux d'intérêt, et ça entraîne un grand risque. Donc ils ont dû trouver des autres solutions, pour faire ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est toute cette histoire avec la titrisation. Ils ont juste restructuré cette dette. Ils ont juste pris ces différentes dettes et ils les ont placées dans, on peut s'imaginer, comme une boîte avec différents types de crédits et des crédits avec pour des personnes avec une très basse solvabilité. Ce sont ces fameux titres subprime. Ils les ont mis dans la même boîte que d'autres crédits. Ils ont restructuré et ils ont vendu ces boîtes sur le marché financier. Et avec ça, ils ont juste commencé à faire plus de profits. Ils ont restructuré ces dettes de nouveau et revendu sur le marché. Et ça a entraîné tout un boom sur le marché financier, un boom du marché de crédit. Et le résultat, vous le connaissez, notamment par rapport aux hypothèques et à la bulle immobilière. C'était la crise de 2007, la crise immobilière, puis la crise financière, puis la crise économique, puis la crise des dettes, puis la crise politique, toutes sortes de crises qui se sont déclenchées par rapport à ça. Après, le cinquième moyen que je voulais mentionner, ce sont les dettes publiques qu'on a juste commencé à financer par déficit budgétaire. Ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment les États, mais également les ménages, comme on a dit, ils se sont juste endettés. Ils ont augmenté leurs dépenses et sont acceptés en déficit budgétaire pour investir dans la production. Et ça, c'est également ce qui s'est notamment passé en Chine pendant que tous les autres pays sont tombés en crise. La Chine, elles ont juste mené une politique économique pure keynésienne comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire. Ils ont juste investi partout avec la conséquence qu'ils ne sont pas tombés en crise, mais avec de nouveau l'envers ou le revers, qu'ils ont continué à développer les forces productives, et notamment dans l'industrie de l'acier. On voit ça très bien, que ça a juste entraîné des surcapacités qui sont énormes, et qu'il manque la demande pour tout cet acier qui a été produit. Oui, juste pour essayer de conclure, je ne sais pas exactement sur quoi je veux mettre l'accent pour conclure, mais oui, je dirais que toute cette situation où d'un côté, on a juste des surcapacités et trop de capital qui ne trouvent pas de moyens de manière profitable pour l'investir. Et de l'autre côté, on a le chômage un peu partout. On a vu des chiffres énormes de 90% en Zimbabwe, mais également dans des autres pays, un chômage extrême. Et toute cette absurdité également qu'on a vu après la crise et encore maintenant que par exemple en Espagne, mais également aux États-Unis, qu'on a d'un côté, on a juste les capitalistes qui ont produit trop de logements. Si on regarde en Espagne, il y a juste des logements partout. Il y a des côtes qui sont... Oui, il y a juste des logements vides. Mais en même temps, ils ont jeté partout en Espagne, je veux dire, ils ont jeté les personnes... Mis des gens à la rue. Hein? Mis des gens à la rue. Mis des gens à la rue. Ça montre juste très bien cette absurdité entre les deux côtés. Oui. Bon. C'est un peu difficile vu que j'ai plus du tout une structure maintenant. Oui, mais sinon, on peut juste passer à la discussion et comme j'essaye de faire une conclusion après.